vous souvenez certainement de notre chroniqueur Frédéric Bouchard qui nous faisait des portraits de scientifiques célèbres mais méconnus. Derrière ce chroniqueur se cache aussi un scientifique méconnu car Frédéric est chercheur en sciences du climat et il a été sélectionné par la France dans le cadre de l'initiative Macron pour poursuivre ses recherches là-bas. Marie-France Sottil le reçoit pour qu'il raconte sa propre histoire et ce qu'il attend en France. Bonjour Marie-France. Bonjour, bonjour Frédéric. Bonjour. Oui, on a une célébrité ici. Alors, je vous donne d'abord le contexte. Qu'est-ce que l'initiative Macron? Bien, pour lutter contre les changements climatiques, le président français a lancé en juin une initiative intitulée « Make the planet great again ». Une réplique à peine voilée à Donald, qui a retiré les États-Unis de l'accord de Paris il y a 2 ans. Le président français a donc lancé un appel à l'ensemble de la communauté scientifique et 1822 chercheurs ont répondu. Au bout de plusieurs étapes de sélection, 18 candidats de 6 pays ont été retenus. Parmi eux, un seul Canadien. En fait, un Québécois de Québec. Il s'agit de Frédéric Bouchard. Rien de moins, que nous avons ici en studio. Il est chercheur à l'Institut national de recherche scientifique, chargé de cours au département de géologie et de génie géologique de l'Université Laval et membre du Centre d'études nordiques. Bonjour. Bonjour Frédéric. Salut. Alors, j'ai la misère à te tutoyer avec ces mentions. On est tous sur le gros nerf, là, présentement. Peux-tu nous décrire plus précisément, en quoi consiste l'initiative du président français? Voilà. Ben, l'initiative, en fait, petite correction, c'est « Make our planet great again ». Oui, lancé en juin dernier. Il faut dire que c'est une initiative qui s'est déroulée en plusieurs étapes. Donc, comme vous l'avez dit, la première étape, c'était d'aller sur leur site. On y croyait pas trop au début. On se demandait si c'était pas un truc de communication à la Macron. Il est quand même très bon là-dedans. Et puis, plus tard, il a fallu fournir un CV, une liste de publications, vérifier si on était éligible au programme. Donc ça, c'était au tout début. Là. Après les 1822, il y en a quelques centaines qui ont été déclarées éligibles. Et sur ce nombre-là, il y en a quelques centaines donc qui ont soumis CV, liste de publication. Il fallait répondre à quelques questions du genre « Pourquoi voulez-vous venir vous installer en France? » Des questions comme ça. Et ça, c'était au courant du mois d'août, juillet-août. Et vers la mi-septembre, fin septembre, il y a pas tout à fait 100 chercheurs, donc 90 et quelques chercheurs qui ont été présélectionnés, donc à qui on a demandé de trouver un laboratoire d'accueil en France et de monter un projet en collaboration avec le labo en France. Tout ça dans un délai d'environ 5 semaines, avec des délais à remettre le projet le 31 octobre 2017. Donc c'est ça qui est arrivé. Et sur les 90 qui ont été présélectionnés, apparemment, il y a une soixantaine de chercheurs qui ont soumis le projet avec le labo d'accueil en France. Et parmi les 60, ben, finalement, la première vague qui a été sélectionnée, c'est les 18 là, dont on parlait au début. Donc, il y aura d'autres vagues subséquentes probablement. Là. Oui, il y a une vague en janvier ou février, probablement une douzaine ou une quinzaine d'autres chercheurs, et ça va se faire en collaboration en même temps apparemment que l'Allemagne qui a lancé un programme similaire qui s'appelle aussi Make Our Planet Great Again. Ils ont calqué leur truc sur l'initiative française, et eux aussi vont avoir des sous pour financer de la recherche sur les changements climatiques, et ils vont annoncer, je crois, en février 2018, conjointement, la France et l'Allemagne, qui sont la prochaine vague de lauréats. Si je résume, à part le processus de sélection qui a vraiment tiré la crème de la crème, il y a une question de subvention là-dedans. C'est-à-dire, l'objectif final, c'est de stimuler la recherche en mettant des sous à la bonne place. Oui, et dans le fond, En quelques mots, là, c'était des projets de soit 1 million d'euros pour des chercheurs juniors comme moi, par exemple. Qui ont eu leur doctorat depuis 12 ans et moins. Donc, 1 million d'euros pour des projets de 3 à 5 ans. Et pour les chercheurs seniors, c'était 1 million et demi d'euros. Mais ça, c'est pas ton salaire, ça. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, il y a la moitié de l'argent qui vient effectivement du programme Make Our Planet Great Again, qui peut être utilisé en salaire, en bourse, en dépenses. Et l'autre moitié doit être fournie par le labo d'accueil. Ah. Donc, ça stimulait, je dirais, pour c'est le moins qu'on puisse dire, ça stimulait le labo d'accueil à trouver des façons de financer le projet en nature ou en temps de personnel, par exemple. Okay. Donc, c'est moitié-moitié. Donc, cet argent-là sert pas juste à payer le chercheur, mais à payer ses instruments, ses expériences, ses peut-être étudiants gradués. Voilà. Il faut que tout rentre dans le budget de 1 million en question et ça comprend les salaires, les bourses, les missions de terrain, les analyses. Donc, il faut que tout soit bouclé dans le budget total. Ouais. Parlons de ton projet. Voilà. C'est quoi le projet? Les Français aiment bien les acronymes. Alors, on a trouvé un projet avec un acronyme qui s'appelle PEGS, P-E-G-S, qui est le mot anglais pour des attaches, hein, des trucs qui tiennent les choses ensemble. Donc, c'est pour Permafrost and Greenhouse Gas in Siberia, donc le pergélisol et les gaz à effet de serre en Sibérie. Et le but, c'est d'aller étudier la dynamique du pergélisol, le dégel du pergélisol et les gaz à effet de serre en Sibérie. Pourquoi? Ben oui, une initiative française en Sibérie. De casser, oui. Pourquoi donc? Ce qui est arrivé, c'est que j'ai un background de géologue, de scientifique de terrain dans l'Arctique canadien, donc membre du Centre d'études nordiques depuis des années. Et je m'intéressais depuis de nombreuses années sur la dynamique du pergélisol, les émissions des gaz à effet de serre par les écosystèmes aquatiques, les lacs, les mares. Et ça, c'était dans le nord du Québec, dans le nord du Canada. Maintenant, quand j'ai contacté le labo en France, je leur ai envoyé mon CV, je leur ai montré un peu ce que je savais faire. Et puis, c'est eux qui m'ont répliqué qu'il y avait déjà des travaux en cours depuis les dernières années en Sibérie. Ils s'intéressaient à l'évolution du paysage, les cours d'eau. Et tranquillement, ils voulaient se diriger dans les prochaines années vers des études sur le cycle du carbone, par exemple. Alors là, c'est là qu'on a constaté que le match était quand même assez bon. Donc, c'est pour ça que le terrain est en Sibérie. C'est un peu l'initiative du labo d'accueil là-bas, mais avec des thématiques de recherche que j'ai développées moi-même ici au Canada. Donc, c'est un peu... j'exporte mon expertise là-bas et puis en même temps, ils me font découvrir le terrain sur lequel ils font des études. Win-win, comme on dit en chinois. Tout à fait win-win. Ouais. Et en quoi ton projet contribuera concrètement à lutter contre les changements climatiques? Il y avait, dans le fond, trois grands axes de recherche sur lesquels on pouvait appliquer dans le cadre du programme Make Our Planet Great Again. Donc, il y avait un aspect transition énergétique, les énergies du futur. Il y avait un aspect aussi impact et adaptation au changement climatique. Donc, deux volets quand même très appliqués, qu'on pourrait dire. Et il y avait un volet d'observation de la Terre, donc quelque chose de beaucoup plus science fondamentale, on pourrait dire. Et puis, moi, j'ai appliqué dans ce volet-là. Mais ce qu'on pourrait dire aussi, dans le fond, c'est que la dynamique du pergélisol, c'est pas juste de la glace dans le sol n'importe où dans le monde. C'est aussi pour des communautés nordiques, des communautés éloignées dans le monde circumpolaire arctique. Ça veut dire des infrastructures, des maisons qui sont construites sur du sol qui est normalement gelé. Et puis si, à cause des changements climatiques, il y a de la glace dans le sol qui fond, il y a des infrastructures qui sont plus stables. Il faut déménager parfois des maisons, des routes, des pistes d'aéroport, par exemple. Les infrastructures, les villages, des communautés nordiques, c'est quand même un volet assez appliqué qui a rapport, dans le fond, à la dynamique du pergélisol, les changements climatiques. Puis les gaz à effet de serre, parce que dans le fond, s'il y a du carbone qui est gelé dans le sol depuis 3000 ans, puis qu'il est libéré parce que le climat se réchauffe, ça fait qu'il y a plus de carbone dans l'air, donc plus de méthane et CO2, donc plus de réchauffement, etc., etc. C'est ce qu'on appelle une boucle, le terme ça va, c'est une boucle de rétroaction positive, on appelle ça du feedback, finalement. Alors, ce que je comprends, c'est que Tu vas devenir français, ou en tout cas, pendant quelques années, on va te perdre, mais... Voilà. Je pourrais faire des chroniques à distance, peut-être. Oui. Je sais pas, là. Je suis ouvert aux propositions, là. Mais en fait, on peut saluer l'initiative de M. Macron, parce que ça met de l'eau au moulin. Hein? Oui, les scientifiques vivent des périodes difficiles. Ouais. Ils doivent courir après l'argent. Ils courent rarement après les connaissances. Oui, comme je disais, là, je vais me répéter un peu, mais pour ce qui est de la science fondamentale, on sentait dans les dernières années qu'au Canada, en tout cas, c'était pas le volet qui était le plus favorisé. On voulait toujours des applications. Je suis pas contre l'innovation technologique, mais la science fondamentale, c'était souvent le parent pauvre. Et là, on sent que, au moins, il y a quelque chose qui se passe. Il n'y a pas de discrimination, science appliquée, science fondamentale. Puis que ce soit par calcul politique ou conviction personnelle, les choses bougent apparemment en France ces temps-ci. Bon, ben, vive la France! Vive la France! Allez, les Bleus! Merci, Frédéric. Ben, ça fait plaisir. Merci, Frédéric. Merci, Marie-France. On te souhaite bonne chance, Frédéric, pour ton projet. Et on va revenir dans l'actualité du temps des fêtes avec Marie-Claude Dionne, qui va nous raconter l'origine du Père Noël.